1 Pierre. Et nous allons certainement faire les deux, 1 Pierre et 2 Pierre. Et on va en avoir pour peut-être 4-5 mois, parce que j'ai à peu près une vingtaine d'études dans les deux. Et c'est une étude qui est spéciale, parce que l'apôtre Pierre était spécial, donc c'est une étude spéciale, et qui est écrite dans une situation pour l'Église. Donc c'est une étude qui va parler beaucoup du retour du Seigneur. Le retour du Seigneur est utilisé dans le Nouveau Testament presque uniquement pour encourager les chrétiens à la persévérance. Non pas pour deviner l'avenir ou connaître l'avenir, mais pour persévérer. Et quand Jésus parle dans tous les évangiles, et qu'il parle de la fin des temps, il parle toujours, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Puis là, il donne des vérités pour les encourager à persévérer, peu importe ce qui arrive. Donc, c'est toujours le même but. Et je crois que l'Apocalypse a été écrit dans la même lignée des chrétiens qui avaient besoin de se faire dire des encouragements afin d'accepter de continuer malgré tout ce qui pouvait arriver. Donc, dans cette épître de Pierre, vous avez tous entendu cette chanson qui disait « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. » Dans Pierre, ce serait un petit peu différent. C'est « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut souffrir. » C'est un petit peu différent. Et les chrétiens, dans l'épître de Pierre, vous allez voir, sont dans la souffrance. Et à cause qu'ils sont dans la souffrance, ça va les amener à faire des choix pas toujours bons. Et je dis tout le temps, chaque chrétien a sa limite. On a toute notre limite à la souffrance. Certaines souffrances qui nous affligent moins, d'autres souffrances qui nous poussent un peu plus loin, puis d'autres un peu plus loin, puis d'autres qui nous amènent à notre limite. D'autres qui pourraient même nous emmener à la remise en question de la foi, parce que la souffrance est tellement difficile, tellement dure. Je parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, puis elle dit, je ne comprends pas, la souffrance était tellement énorme, une souffrance psychologique, et elle avait de la misère à comprendre que Dieu laisse faire ça, que Dieu permette ça, que Dieu n'enlève pas ça. Oui, donc, elle était rendue à sa limite de souffrance. Et donc... Parce qu'on est enseigné aussi. Si on est enseigné qu'on ne souffrera pas, puis que tout va aller bien, puis que là, ça, on souffre, puis les églises nous ont dit, ça va aller bien. Comment ça fait que nous n'avons pas bien? Oui, ça peut être une mauvaise compréhension de certains passages, mais même humainement parlant, juste au niveau humain, il y en a qui vont à la souffrance, qui sont rendus à une certaine limite, vont même se suicider. Ils ne peuvent pas supporter plus la souffrance. Ils vont se enlever la vie. Ça passe pas rendu à l'extrême. Ma mère a fait ça à quelques reprises. Ma mère a été suicidaire pendant des années et elle ne pouvait plus supporter la souffrance. La souffrance était tellement difficile, elle dit, je ne peux plus supporter ça, je ne peux plus supporter ça, c'est trop dur. Et c'est difficile à comprendre quand on ne l'a jamais vécu. Mais quand les gens qui ont déjà vécu ça finissent par saisir que la personne est rendue à une place que c'est trop difficile et qu'il semble dans la tête de cette personne-là qu'il y a juste une chose qu'ils peuvent faire pour soulager la souffrance, c'est la partie, c'est mourir. Donc c'est parce qu'il est rendu à l'extrême là, à ce moment-là. Donc, ici, c'est pas le cas des chrétiens ici, dans le l'épître de Pierre, mais les chrétiens ici étaient rendus à la limite, non pas de se suicider, mais d'abandonner la foi. C'était rendu juste sur le bord d'abandonner la foi. Et donc, Pierre va essayer de les encourager à continuer à persévérer. Donc, oui. Excuse-moi, mais les chrétiens, Dieu n'enverra pas d'épreuve au-dessus de leur force, c'est vrai, c'est ça? Le texte dit ça, mais je ne pense pas que tu peux appliquer ça ici. Hein? Il faut faire attention avec ce verset-là. Beaucoup de chrétiens mettent ça un peu partout dans leur salade. Puis, ils disent que Dieu... Mais remarquez bien que le passage que tu cites dans Corinthiens 10 a été donné à l'église la plus charnelle de toutes les églises. Donc pourquoi il l'a dit là et il ne l'a dit pas à Pierre ici? Là? Pourtant, Pierre n'en parle pas ici. Si ça avait été un principe applicable, probablement qu'il n'en a parlé. Mais il n'en parle pas ici. Là. Donc, il faut faire attention quand on veut l'appliquer à un chrétien qui souffre pour la foi ou un chrétien qui est dans le péché comme les Corinthiens étaient. Il faut faire attention entre les deux, parce que je crois que des fois on l'applique très mal, que Dieu ne nous éprouvera pas au-delà de nos forces. C'est pas tout à fait ça que le texte dit dans ce sens-là. Ou est-ce qu'il y a des épreuves qui vont arriver, puis Dieu ne permettra jamais une épreuve dans laquelle je ne pourrais pas tomber, parce que là, au-delà de la force, ça serait comme tomber dans le péché. Pourtant, on tombe dans le péché souvent. Donc, si Dieu ne nous permettrait jamais l'épreuve plus forte qu'on ne peut pas, on réussirait toujours à monter. Mais il dit, avec l'épreuve, il pourvoit un moyen de s'en sortir. Hein. Donc, mais encore une fois, si tu ne te souviens pas, tu diras écouter 1 Corinthiens 10, quand on a prêché là-dessus, et écouter le verset, l'enseignement, parce que le texte parle à des gens qui s'exposaient au péché délibérément dans des temples d'idoles. Il a dit, faites attention de vous exposer au péché. Donc, si vous vous exposez au péché, vous vous mettez dans des problèmes, des difficultés, peut-être que c'est pas ça que Dieu veut. Donc, il faut faire attention. C'est toujours, je suis étudiant, faites toujours attention quand vous prenez un verset, voir à qui c'est adressé, à quel contexte c'est adressé. C'était-tu à des chrétiens qui étaient dans le péché? C'était-tu à des chrétiens qui étaient dans la souffrance, comme les autres qui sont ici? C'est-tu des chrétiens qui sont des nouveaux chrétiens qui se posent des questions? C'est-tu des gens qui sont comme des évangiles? C'est des chrétiens en herbe? Ce n'est pas encore chrétien? Parce que les disciples, les premiers disciples n'étaient pas encore chrétiens comme après la Pentecôte. Donc, c'est des chrétiens de l'Ancien Testament qui n'avaient pas été régénérés, qui n'avaient pas reçu cet esprit, qui n'étaient pas comme nous autres. Donc, il faut faire attention parce que Si on applique ça à tout le monde, le même verset, dans toutes les situations, ça fait plus de sens à un moment donné. Ça fait plus de sens à un moment donné. Il faut faire attention. Et ici, ce qu'on va voir, c'était Paul, Pierre plutôt, qui va écrire ça à des gens bien précis. Donc là, ça va nous donner à nous, si nous, on passe par des moments de souffrance à cause de la foi, qu'on peut prendre ces principes-là. Il y en a qui ont été lapidés, puis pendus. Passé par l'épée, puis tu sais, à ce moment-là, c'est au-delà de tes forces, quand ça l'a posé. Mm. Non, mais le Seigneur nous donne la force à ce moment-là. D'accepter ça. De l'accepter. Puis, je crois que Dieu peut nous donner la force de résister à la tentation. Ça, c'est un fait. Ouais. Je crois pas qu'il faut prendre le texte d'1 Corinthiens 10 pour dire ça. Ça serait bien mieux d'aller dans d'autres passages où les apôtres nous disent que Dieu va nous donner la force de résister à la tentation. Et je crois que n'importe quelle tentation que nous vivons, Dieu peut nous donner la force. C'est un principe général des Écritures. Mais de prendre 1 Corinthiens 10, je dirais que ce n'est pas l'appliquer comme il faut. Pas l'appliquer comme il faut. Okay? Et donc, ici, l'auteur se présente et dit à Pierre. Et Pierre était le pape baptiste. Là. Non, je dis c'est une farce, excusez-moi. Pierre était l'autorité presque assez forte dans l'Église. Il était assez haut placé. Et on voit qu'il y avait une autorité quasiment naturelle, l'apôtre Pierre. Même parmi les apôtres, les douze, il est devenu comme le leader des douze. C'est un homme qui avait probablement un charisme naturel de leadership. Il avait même une entreprise. Il semble avoir des gens qui travaillaient avec lui, pour lui, sur ses bateaux. Donc, c'est un homme qui semblait avoir un leadership naturel. Donc, quand c'était le temps, il a devenu un peu le leader parmi les douze. Après ça, il est devenu un leader. Et on a vu que Dieu, il a dit quoi? Parce que là, on va voir, ça va nous aider à comprendre. Jésus avait dit qu'il était pour être l'apôtre des Juifs. Tu sais, quand il dit à Paul, tu vas être l'apôtre des gentils, toi, tu vas être l'apôtre des Juifs. Donc, et c'est intéressant, ce n'est pas Paul qui écrit aux Juifs. Paul, c'est Pierre qui écrit aux Juifs. Et on va voir que c'est Jacques qui va écrire aux Juifs. Et donc, c'est des gens qui étaient des Juifs. Que Dieu a vraiment fait bien les choses. Hein. Il prend des hommes qui comprenaient ces gens-là parce qu'il y avait un même arrière-plan et qui leur écrit et il leur parle. Et donc, et Paul qui avait. C'est un juif, mais d'arrière-plan, il avait été élevé en dehors de Palestine, en dehors d'Israël, était élevé en Cilicie. Donc, il y avait une autre compréhension de la vie qu'un juif qui avait été élevé à Jérusalem. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que Dieu ne fait pas les choses à peu près. Il fait toujours les choses parfaites en son temps, comme on a chanté tout à l'heure. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, donc, apôtre veut dire quoi? Envoyé, le mot apôtre veut dire envoyé. De Jésus. Jésus m'a envoyé. Et à ceux qui sont étrangers dispersés dans le pont, dans Galatie, dans la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Donc, des gens, l'apôtre se présente comme je suis l'envoyé de Jésus. Donc, j'ai l'autorité presque maximum dans l'Église. Okay? Je ne veux pas qu'il n'y avait plus que les 12, mais quand les apôtres veulent avoir l'autorité, ils vont se présenter apôtres de Jésus-Christ. Pierre, Paul va se présenter apôtre de Jésus-Christ, serviteur de Dieu. Tu sais, il en met, là. Tu sais, il met des galons, des étoiles sur ses épaules en disant, j'ai de l'autorité. J'ai vu, j'ai parlé, j'ai touché la personne. Jean va dire dans son épître, celui avec qui on a mangé, celui avec qui on a touché, c'était un privilège immense, parce que tu étais un témoin oculaire, un témoin visuel de tout ce qui avait été dit et fait. Donc, tu avais une autorité, une crédibilité. C'est pour ça que je parlais dans le cours, je parlais au professeur, j'ai remarqué que je demandais, parce qu'on parlait de l'influence du sol sur les plantes, je lui dis, est-ce que les éléments ont une influence sur les plantes? Parce que j'ai vu des arbres qui poussaient sur les digues de roche, qui étaient isolés des autres. Il dit, il me semble qu'ils étaient toujours plus courts, puis plus forts, plus trapus. C'est naturel, parce qu'ils vont s'enraciner plus à cause du vent, faut qu'ils plongent plus loin. Donc, il y a une influence, là. Et donc, ces hommes-là ont reçu une influence directe de la part de Jésus. Ils ne pouvaient pas dire, j'ai entendu dire, hein. Quand on dit ça, là, quelqu'un m'a dit, on baisse tout de suite d'autorité, là. Là, c'est plus sûr. Mais s'il dit, j'ai vu, alors, c'est un peu plus d'autorité, parce que c'est toi qui l'as propre. Donc, Pierre se présente. Donc, nous, on le sait, là, on n'a pas besoin de se le faire dire à Toronto, parce qu'on sait qui est Pierre, c'est l'apôtre de Jésus-Christ, et on sait qu'il y a une autorité. Les apôtres avaient l'autorité. Après Jésus était parti, l'autorité optimale dans l'Église, humainement parlant, c'était les apôtres. Hein? Après ça, il y a eu les autres anciens qui se sont ajoutés, après ça a parti. Mais les apôtres se sont présentés comme étant l'autorité. Et dans tout le Nouveau Testament, ils ont l'autorité. Donc, c'est lui qui va dire ce qu'il a à dire. Il l'a probablement entendu directement de Jésus ou de l'enseignement de Jésus. Okay, donc, ce qu'il a à nous dire, ça vaut la peine de s'arrêter et d'y penser. Il va s'adresser à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Donc, il s'adresse probablement, on pense à des Juifs, un peu comme Jacques qui dit que ça laisse aux Juifs des 12 tribus dans la dispersion. Donc, les Juifs ont été dispersés à cause de leur foi. Ils ont été chassés d'Israël à cause de leur foi. On voit ça dans les actes, hein? Les dispersions s'en vont. Et l'apôtre Pierre, on le retrouve un peu partout. Il se promène, Pierre. Hein? Il se promène. Il va finir par se ramasser à Rome, Pierre, à un moment donné. Donc, il a écrit à ces Juifs-là qui étaient en dehors de la Palestine, qui avaient été persécutés à cause de leur foi. Et ce qui les a emmenés en dehors, c'est probablement la persécution du peuple juif à cause de cette nouvelle foi qui se répandait comme un feu dans les brousses, dans les broussailles. Et on va voir que la raison pourquoi Pierre va vouloir les encourager ou les exhorter, ils sont dans la souffrance. Et toute l'épître va nous parler de cette souffrance-là. Toute l'épître. 1 Pierre 5, 12 dit, « C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter, vous encourager, et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous vous êtes attaché est la véritable. » Parce qu'on va voir qu'il va y avoir des faux docteurs, des faux prophètes qui vont leur dire blablabla, blablabla, blablabla, bla, bla, ce que vous avez entendu. C'est pas vrai. Où est-ce qu'est votre Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Ça fait déjà longtemps, puis il se passe rien. Donc, ils vont remettre en question bien des choses. Et l'apôtre Pierre va dire, je vous écris ça afin de vous encourager et de vous attester que ce que vous avez, les choses à laquelle vous vous êtes attaché, à laquelle vous avez mis votre foi dedans il y a plusieurs années, c'est vraiment la vérité. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'être encouragés? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de se faire dire que c'est la vérité? Pourtant, ils savaient, ils avaient cru. Parce qu'il y avait de la souffrance. Il y avait de la souffrance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y a 20 fois qu'on fait référence à la souffrance dans une petite épître de 5 chapitres. 20 fois. Ça veut dire qu'on parle de souffrance. Ça veut dire en moyenne 4 fois par chapitre. 4 à 5 fois par chapitre. Quand vous voyez ça dans une épître là, ou dans n'importe quel livre, on sait qu'il est en train de parler de quelque chose. Hein? Si vous voyez, quelqu'un vous écrit une lettre et il parle, à toutes les deux lignes, il parle d'auto, en tout cas, tu sais qu'il est en train de parler d'un auto. Là. Ça devient clair et facile à comprendre. Et lui, là, il va parler de la souffrance. Comment agir dans la souffrance? Quoi faire dans la souffrance? Comment agir envers ceux qui nous font souffrir? Comment agir envers Dieu qui permet la souffrance ou qui envoie même la souffrance? Donc, ça va être tout à ce point-là. Donc, des gens qui souffrent, ils n'ont pas besoin d'être tapés sur la tête, ils ont besoin d'être encouragés. Hein? Les gens qui souffrent ont besoin d'être encouragés. Donc, ils ont besoin d'être réprimandés, mais encouragés. Et ils ont besoin, souvent, comme vous dites, ils ont besoin d'être sécurisés. Donc, ils sont souvent, la souffrance va causer de l'insécurité. Donc, on va le sécuriser. Sécuriser par ce qu'on peut avoir fait, par la vérité. Donc, il va dire des choses, il va démontrer des choses que ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils croient, c'est vraiment ça qui est la vérité. Donc, c'est ce que nous allons commencer, parce que je n'ai pas l'intention de lire tous les versets qui parlent de la souffrance, parce qu'on va les voir en s'en allant. Et on va voir qu'est-ce que Pierre est en train va leur dire pour les encourager et pour les fortifier dans leur foi. Verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. On va voir que il est important pour nous de voir que notre salut a quatre étapes. Et qu'il faut faire attention de bien comprendre ça, parce que quand on ne comprend pas ça, les chrétiens des fois se demandent comment ça que ça ne m'arrive pas à moi. Puis il me semble que je suis sauvé, puis il me semble que la Bible a dit que le salut c'est comme ça. Puis il me semble que ça ne marche pas comme ça dans ma vie, moi, tous les jours. Un peu où les versets qui sont durs à expliquer. Une fois, il y a un témoin de Jéhovah, je pense que c'est un témoin de Jéhovah qui était chez nous ou un mormon, puis il m'avait sorti le verset dans 1 Timothée, « Travaille à ton salut. » Jésus, il dit, « T'es pas sauvé. Travaille à ton salut. » L'apôtre Paul va dire, « Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. » Donc, c'est pareil comme si le salut n'était pas accompli encore. Donc, mais faut comprendre que, dépendamment du contexte dans lequel c'est dû, de quelle étape on parle dans le salut. Parce que le salut, c'est un ensemble. Okay? J'ai dit que j'étais sauvé il y a 30 ans, mais souvent, ce que je fais référence, c'est à ma justification. Et des fois, on va parler de la glorification, c'est quand je vais être parti dans le ciel. Mais la Bible nous parle du salut comme ça aussi, des fois. On va parler le même mot salut, mais elle tentait de parler la partie de mon salut qui est la glorification. Donc, si je ne comprends pas les quatre étapes, on va avoir de la difficulté. Les chrétiens, généralement, sont d'accord avec la justification, en grande partie, que les chrétiens sont sauvés par grâce, par la foi, la repentance et la foi, par la grâce. Là, pour les chrétiens, c'est tout là-dessus, ils sont d'accord. Mais les autres étapes, ça joue. Ça s'écrit des gros livres, les pas de main. ça, pas tout le monde est d'accord, c'est la même chose. Donc, c'est important de que même si on ne les comprend pas toutes pareilles, les étapes, qu'on voit au moins que des étapes. OK? Puis que quand la Bible nous parle, qu'on essaie de trouver dans le contexte de quelle étape il nous parle. Hein, de quelle étape il nous parle. Si je peux trouver, ça va probablement m'aider à comprendre ce que l'auteur est en train de dire à ceux qui écrivent, à celui à qui il est en train d'écrire. Et des fois, la complication, un peu comme un passage d'un Corinthien, vous connaissez, quand il parle de, il va être sauvé comme à travers le feu, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Là, on dit, de quoi il parle là? Pourtant, il parle du salut, mais comme à travers le feu, il parle de sa récompense, de quoi il parle. On vient un peu comme, de quoi il parle là? Voyons, j'ai été sauvé, de quoi il parle ça là? Les chrétiens, on a tendance à dire tout le temps, je suis sauvé. Donc, on a de la misère quand le verbe dans la Bible est au futur. On a de la misère parce que nous, on dit, je suis sauvé. Alors, je me souviens toujours quand j'étais allé en Nouveau-Brunswick, une fois, on avait une grande conférence là-bas, puis il y avait un homme qui était un docteur, là, qui enseignait, on était 700-800 pasteurs qui étaient là, puis il enseignait ces hommes-là, puis il fait sa prière, c'était son tour à prêcher, puis il fait une prière, puis il dit, « Seigneur, sauve-moi! Amen! » Donc, puis il commence à prêcher. Tout le monde est là. T'es question, on a un pasteur pas sauvé, un prédicateur pas sauvé, c'est quoi l'affaire? Là, tout le monde est là. Fait que, il a fait ça juste pour nous, comme, nous réveiller, là, dans le dire. Fait que là, il a commencé à parler de une partie du salut, une de ces étapes-là. Une de ces étapes-là. Donc, c'est important de comprendre ça. Dans le verset 1 et 2, il s'adresse à des gens, puis il va tout de suite leur rappeler quelque chose. Il va parler de l'étape qu'on appelle l'élection. Il y a une étape de notre salut qui a été faite avant toute éternité. OK? Et ça, c'est une étape des fois qu'on oublie. On n'en parle pas beaucoup. Les chrétiens, j'ai parlé de ça avec des chrétiens qui faisaient des 20 ans qui étaient sauvés. Ils n'ont jamais été enseignés sur l'élection. Ils n'ont jamais été enseignés sur la prédestination. Ils ne connaissaient pas ça. Donc, ça faisait des chrétiens moins sécures. Parce qu'il manquait un petit peu de compréhension de cette élection-là. Il dit, il parle à des gens qui sont étrangers et dispersés, mais et qui sont élus. Qui sont élus. Donc, c'est des gens qui sont élus selon la présence de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin ou pour être obéissants. Vous avez été choisis conformément au plan établi d'avance par Dieu le Père. C'est ça. Vous lui appartenez grâce à son Esprit pour obéir à Jésus-Christ. Okay, c'est ça. C'est ça. Choisi, élu, la même chose. Une élection. On a fait des élections dernièrement dans différentes villes. Ils ont choisi un homme ou une femme. Ils choisissaient. Ils faisaient l'élection d'un ou de l'autre. Donc, Dieu, il dit, ces étrangers-là, ces gens-là à qui il va s'adresser, ce sont des élus. Ce sont des choisis par Dieu. Selon toi, tu as marqué, selon le plan? Oui, je par au plan établi d'avance. C'est ça. Nous, c'est le mot préscience. Plan établi, préscience. Donc, pré, veut dire avant. Science, la connaissance, une connaissance. Dieu avait fait un choix. Donc, il ne s'adresse pas à n'importe qui. Il ne s'adresse pas à des gens qui espèrent, dans le sens, espérer dans le sens pas sûr, mais à des gens qui ont été élus. Et ça, quand tu as été élu et choisi, et que ce n'est pas toi qui t'es choisi, mais c'est quelqu'un d'autre qui t'a choisi. Et il y a une certaine contrôle, là, c'est la personne qui t'a choisi. Puis elle ne t'a pas demandé la permission, elle n'a pas dit, François, veux-tu être dans mon équipe, dans ce sens-là. Quand elle a fait son élection, elle l'a fait selon sa préscience. Selon sa préscience. Et non pas selon ce que moi, j'aurais aimé faire ou pas. Donc, il dit, élu, choisi par Dieu, le Père, selon sa préscience, ou selon son plan. Hein? Je vais regarder ouais, comment est-ce que la semeur traduit. Vous a choisi d'avance, conformément à son plan, un peu comme la Bible, la Louis II. OK? Un peu comme la Louis II. Tu as-tu la même chose? Préscience. OK. Préscience. La plupart ont marqué préscience ou, ben non, selon le plan de Dieu ou selon la préscience de Dieu. Je ne sais pas, tout le monde a mis la même chose. Donc, le mot dans le grec, le mot préscience, c'est prognosis. Pro, avant. Gnose, dans le grec, le mot gnose, ça veut dire connaissance. La gnose, c'est la connaissance. Donc, une connaissance avant. Avant que les choses se passent, avant que le salut rentre dans ma vie, avant que le salut m'atteigne, moi, lui, il a fait un choix selon cette connaissance-là qu'il a, lui. OK? Donc, Dieu a fait un choix, il a fait un arrêt, un plan. Et dans son plan, mon nom il a été écrit, mais dans mon nom, il est écrit là. Donc, c'est important que, parce que si mon salut a commencé avant que je vienne au monde, il y a quelque chose que moi, je vais vivre par rapport à ce qui a été écrit là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose les choses qui vont m'arriver, il y a une certaine, ça a eu un effet sur moi, ces choses-là. Donc, c'est vraiment important qu'on comprenne ça, parce que quand on vit notre vie chrétienne, il faut comprendre que il y a quelqu'un en arrière, avant toute chose, qui a écrit un plan à mon sujet. Là, il y a un plan global pour l'Église, il y a un plan individuel là-dedans pour chacun de nous. Donc, c'est comme tu as un plan pour bâtir une maison ou un plan pour faire quelque chose, tu regardes le plan et tu vas pouvoir suivre le plan. Donc, il y a un plan décrit pour nous, les chrétiens. On voit que Pierre va faire référence à ce plan-là pour l'Église à différentes reprises dans son évangile, dans son épître. Il va parler de ça à différentes... qu'il y a un plan passé, parce qu'il parle ici de l'élection passée, parce que c'était avant qu'on vienne au monde. Puis il va parler d'un plan après qu'on soit mort, parce qu'on est encore vivant, mais il va parler de ce qui va arriver après, là. Donc il va parler des deux extrêmes, et vous êtes au milieu, mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas en train de... vous n'êtes pas perdu, là, vous n'êtes pas égaré, là. Vous êtes vraiment en train de suivre un plan que Dieu a établi. Avant vous êtes au monde, et il a marqué la fin de votre vie, la fin de votre plan, la fin de votre histoire est déjà écrite, vous êtes entre les deux. C'est rassurant, parce qu'on ne s'en va pas au hasard, là. On n'a pas à se demander comment ça va finir, cette affaire-là. C'est déjà dans le plan comment ça va finir. OK? Donc, il y a des écrivains qui font ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ils vont écrire le premier chapitre, puis ils vont écrire le dernier chapitre. Ah oui. Puis entre les deux, c'est ça que ça se passe. Donc, ce qui est écrit là doit faire référence, doit être un lien avec le début, puis un lien avec la fin. Puis vous remarquerez, dans tous les mouvements religieux, ce qu'on croit par rapport au début va influencer ce que va avoir à la fin. Dans tous les mouvements religieux, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, ça n'a pas d'importance. De façon qu'ils voient le commencement du monde, ils vont voir aussi la fin du monde de la même manière. Si c'est un fruit du hasard ou de l'évolution, ça va être un fruit du hasard et de l'évolution à la fin aussi. Non? Si nous, on croit que c'est un Dieu qui a créé le monde, c'est un Dieu qui met une fin à le monde. Mais si on prend au niveau individuel, hein, c'est Dieu qui a écrit mon plan pour ma vie au début, et c'est lui qui a écrit aussi le plan de la fin de ma vie. Et moi, je suis au milieu, là. En tant que chrétien, je suis comme au milieu. Je suis en train de vivre ça. Et si je perds de vue le début et la fin, je deviens très insécure ici, là. Très insécure ici. Et n'importe quelle personne qui ne sait pas ce qui s'en va dans la vie devient insécure automatiquement. Automatiquement, devient insécure. Et les gens qui font de l'amnésie, qui ne savent pas d'où ils viennent, deviennent aussitôt insécures aussi. Donc, c'est normal d'être comme ça. Donc, mais Paul leur dit, Pierre leur dit, attention, vous avez été choisis par Dieu, par la sanctification de l'Esprit. Qu'est-ce qui nous fait, nous met à part des autres, qu'est-ce qui nous rend spécial à part des autres, c'est que le Saint-Esprit habite en nous et qui nous a régénérés, qui a fait de nous des enfants de Dieu, ou le temple de Dieu. OK? Ce n'est pas le mouvement dans lequel nous appartenons, c'est le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous. C'est l'Esprit qui nous a rendus comme ça. C'est l'Esprit qui a fait ce travail-là en nous. C'est l'Esprit qui a le plein, nous on dit souvent... Dieu a fait un plan, Jésus l'a fait et le Saint-Esprit l'applique dans nos vies. Dieu a fait un plan, Jésus est venu l'accomplir, le Saint-Esprit est envoyé, maintenant il l'applique dans la vie des croyants. Il le rend compréhensible, il le rend vrai, il le rend réel, en nous régénérant, en venant habiter en nous, en nous faisant comprendre. Donc, tout d'un coup, ouais, je parlais avec mon gars tout à l'heure, parce que mon gars, présentement, il a fait des couteaux. C'est ça, sa job. Puis en même temps qu'il fait ça, il écoute des CD que je fais le dimanche. Fait que là, il m'écrivait pour que je lui en envoie d'autres. Puis là, il expliquait du pain. Il disait, il y a des affaires, il me semble, tu nous as dit quand on était petit, que, me semble, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris, il me semble. T'sais, on savait. On savait que Jésus était humain. On savait ça, tu nous l'as toujours dit. Mais il y a des fois, là, tout d'un coup, là, on dit, ah, ouais! Il est vraiment un homme. Là, c'est comme si ça deviendrait comme... Ah! Les yeux rouvrent, c'est que la compréhension se fait par l'œuvre du Saint-Esprit. Et là, ils comprennent. Là, ça devient quelque chose de vivant et d'applicable, pas juste au niveau intellectuel, mais dans la vie de tous les jours. Que Jésus était un être humain et qui vivait par la puissance du Saint-Esprit. Et ça nous donne vraiment une application pour nous qui sommes des humains qui vivons par la puissance du Saint-Esprit. Donc, ici, il ne parle pas de vivre, mais il parle on était rendu saint, on était sanctifié par le Saint-Esprit. Pour deux raisons. Pour une raison, pour qu'on devienne obéissant. Le mot obéissant, c'est qu'il ne parle pas d'obéissance au dix commandements de Dieu. Okay, c'est pas ça qu'il parle ici. Pour qu'on nous rende obéissant à l'Évangile. C'est ça qu'il parle ici. Obéissant à l'Évangile. Oui, il faut obéir au dix commandements de Dieu. Il ne faut pas contre ça. Hein? On veut faire ça. Mais c'est pas ça qu'il parle ici. Il nous a rendus afin qu'on devienne obéissant. Donc, il y a eu une œuvre, un plan d'écrit, de cet esprit. Il est venu nous rendre obéissants à l'Évangile pour que ça devienne applicable. Okay? C'est lui qui nous a rendus obéissants. C'est pas nous qui avons obéi, mais il nous a rendus obéissants. Donc, on a obéi, mais il nous a rendus, lui, obéissants. Okay? Afin qu'elles deviennent obéissants. Pas obéissants dans leur vie de tous les jours, parce qu'on va voir que Pierre ne s'intéressera pas à ça, dans son état. Il s'intéresse à obéir à l'Évangile qui a été proclamé par le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'il veut leur faire faire. Pierre, il ne leur parlera pas d'être obéissant, d'être honnête sur les impôts, ou à pas tromper les femmes. Il ne parlera pas de ça. Non. Il va parler de rester obéissant à l'évangile qu'ils ont reçu. De ne pas suivre un autre évangile. Okay? C'est ça qu'il va parler ici. Et souvent, on mélange ça. Pour nous autres, les anciens catholiques, là, on est bien mordus de ça. Quand on voit d'être obéissant à Dieu, on pense tout de suite au 10 commandements. Mais ça ne veut pas toujours dire ça. C'est pas le contexte qui doit nous diriger là-dedans. Et, quoi? Qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que grâce à la paix vous soit donnée. Donc, il rend obéissant à l'Évangile, et en étant obéissant à l'Évangile, il participe à l'aspersion du sang, donc ils deviennent purifiés, ils deviennent un avec Jésus-Christ, ils deviennent, faisant partie du peuple de Dieu, ils deviennent des élus, pas juste sur du papier, mais des élus en vérité. Dans le quotidien de leur vie, là, ils maintenant sont élus. Okay? Là, ils sont élus, puis là, ils vivent comme des élus. Ils ont une relation d'élus avec Dieu, avec Jésus-Christ. Ils ne sont pas juste élus dans la pensée de Dieu, mais ils sont élus dans la réalité de tous les jours. Okay? Donc, c'est l'Esprit Saint qui fait ça. Les Esprits Saints, ils rendent obéissants et qu'ils participent aussi à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc, ça, c'est la première étape du salut. La première étape du salut. L'élection, et là, on devient participant, on devient participant, et là, le Saint-Esprit vient, et tout d'un coup, finalement, on est régénéré, et on fonctionne avec Jésus-Christ. Et on fait partie du corps de Christ, on fait partie du peuple de Dieu, et on peut fonctionner comme ça. Il ne faut jamais oublier ça. Et dans notre vie chrétienne, je vous encourage, quand vous avez des difficultés dans votre vie chrétienne, de vous arrêter, de dire... Bon, où est-ce que je me situe dans ce plan-là? Où est-ce que je me situe? Où est-ce que je suis rendu là, dans ça, cette affaire-là? Parce qu'il y a un lien là-dedans. Là. Il y a un lien entre cette élection-là, de cet esprit qui m'a rendu obéissant, qui m'a rendu participant au sang de Jésus-Christ. Et maintenant, je vais vivre ma vie chrétienne. Là. Après ça. Donc, c'est important que je m'arrête puisque je comprenne bien. Et tout à l'heure, on va voir la fin aussi. Donc, quand je me place, puis je vois la perspective un peu plus grande. La vie chrétienne devient beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus logique, beaucoup plus, je dirais, acceptable, compréhensible dans ce sens-là. Parce que des fois, les chrétiens, on a des slogans chrétiens. On a des phrases qu'on dit et qu'on ne comprend pas toujours pourquoi on dit. On comprend pas. Un exemple que j'ai vécu aujourd'hui, là. J'ai demandé au professeur pourquoi on coupait la branche au-dessus du nœud. Quand on fait une taille, on coupe au-dessus du nœud. Je savais ça. Je ne savais pas pourquoi. Non, non, non. Non. C'est sûr. On pense ça des fois, mais c'est pas ça. C'est que. Oui, ça a rapport avec ça, c'est que. Quand tu passes au-dessus du nœud, chaque bord du nœud, tu as des bourgeons, ou tu as une feuille qui passe par là, au-dessus du nœud. Si tu coupes en bas du nœud, la sève, elle monte. Elle continue. Elle ne monte pas. C'est ça qui est le problème. Elle s'en va dans la feuille. Ça. Puis à cause qu'elle ne monte pas ici, parce qu'il n'y a plus de nœud, elle ne monte pas. Fait que lui, il devient comme, il va mourir. Mais avant de mourir, il va s'infecter par le dessus. Mais si je coupe juste au-dessus du nœud, la sève, elle monte, puis elle s'en va passer comme ça au côté, vers la feuille, il a guéri la plaie qui est là en passant. Pour ça, il faut que tu coupes le nœud. J'ai toujours fait ça. C'était un slogan que je connaissais. Coupe au-dessus du nœud. Coupe au-dessus du nœud. Mais tu ne sais pas pourquoi. Mais là, le fait qu'elle me dit coupe au-dessus du nœud, puis elle m'explique pourquoi. Ah, là, ça devient clair dans ma tête. Pourquoi c'est comme ça? Et dans la vie chrétienne, des fois, on a des slogans qu'on dit, mais qu'on ne comprend pas pourquoi vraiment on les dit. Et de vous, on va prendre une vérité des Écritures, puis d'un coup, dire « Ah, ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. » Là, ça fait du sens dans ma tête. Et quand ça fait du sens, et quand on le comprend bien, ça l'amène, moi je dirais, une force à l'intérieur de nous autres, spirituelle, de passer à l'action avec une compréhension et avec reconnaissance de la part de Dieu. Et c'est vraiment, et souvent, les chrétiens, on va dire « Ah oui, Dieu dit ça. » On le sait parce qu'on l'a entendu toute notre vie, mais on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. OK? Ça, c'est la première étape, c'est l'élection. Euh, Le mot sanctification est traduit ailleurs par être transformé par l'Esprit, être consacré par l'Esprit. Vous lui appartenez grâce à son Esprit. C'est tout la même chose que le mot. Vous avez été sanctifié, là, transformé, consacré, appartenu à cause de son Esprit. Donc, moi, je dis, quand Dieu va revenir, Jésus va revenir sur la terre, puis qu'il va venir chercher son Église, il ne regardera pas dans quel bâtisse on est le dimanche matin. Il va juste regarder si on a le Saint-Esprit. Si on a le Saint-Esprit, c'est parce qu'on lui appartient et il nous emmène. Peu importe le nom qu'on aura, peu importe dans quel bâtisse on va, peu importe dans quel mouvement on est, si tu as le Saint-Esprit, tu es sa maison, tu es son temple, tu es son enfant, tu t'en viens. Okay? Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, peu importe ce que tu vas dire, peu importe ce que tu vas faire, tu ne t'embarques pas dans le wagon de l'homme. Okay? Tu n'embarques pas dans l'autobus, tu passes. Donc, c'est dans ce sens-là. La deuxième étape, versets 3 et 4, il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour celui prêt à être révélé dans les derniers temps. » Donc, il dit, « Béni soit Dieu qui nous a régénérés. » Donc, ça, c'est une étape encore du salut, la régénération. OK? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le mot « régénérer » ? Quand vous pensez à régénérer, vous pensez à quoi? Changer. OK? Transformer. Il va avoir un nouveau corps. Non, parce qu'on parle de notre génération au passé. On a été régénéré. OK? Parce qu'il dit dans le texte, c'est... Toute notre pensée, toute notre... Nous a régénéré. Non, okay. c'est un verbe au passé composé, c'est-à-dire que c'était fait dans le passé, une fois pour toutes. Une vie nouvelle, OK. Donc, régénérer, c'est-à-dire redonner ce que tu as perdu. Okay, mais c'est quand pas créé. Avoir un nouveau corps, ça fait partie des fruits de la régénération. Okay? OK. Ça fait partie de ça. Parce qu'on a été régénéré, ça vient ensuite. Là. Okay? Donc, la régénération comprend celle du corps aussi, mais n'est pas encore accomplie. Donc, la régénération, c'est tu régénères, ça veut dire que tu redonnes de la vie à quelque chose qui l'a perdu. C'est pas comme créer, là. C'est régénérer. Okay? Et on régénère des choses qui sont là, mais qui sont en train, qui sont pas correctes, qui sont malades, ou qui sont morts, ou qui sont des tissus morts, qui se régénèrent. Hein? On dit ça. C'est un tissu qu'on va faire régénérer les choses. C'est pas comme quelque chose qui part à neuf. C'est quelque chose qui a été brisé et qu'on ramène à la vie. Okay? Donc, vous avez été... Le verbe est traduit produire de nouveau, être né de nouveau, renouveler, faire renaître. Okay? D'une façon métaphorique, c'est avec son esprit changé par une nouvelle vie en conformité à la volonté de Dieu. Donc, c'est vraiment une nouvelle vie. On commence quelque chose qui était là, mais qui recommence une vie nouvelle. OK? Donc, c'est pas créer, c'est régénérer. Okay. C'est pas pareil. Tu prends une bouteille, puis tu vides qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans, puis tu remets quelque chose de nouveau dedans. Parce que dans notre corps, dans notre esprit, c'est comme si. C'est toujours là, mais c'est comme s'il l'avait vidé, puis il a mis quelque chose de net dedans, parce qu'on pense plus de la même manière, on comprend plus les choses de la même manière, on voit plus les choses de la même manière. Oui, mais le sens, ça sert plutôt comme ce qu'il y a dedans la bouteille, il le change, il laisse dans la bouteille. C'est la même chose, le même stuff qu'il y a dedans qui va régénérer. Il ne l'enlève pas. Il fait juste c'est la mauvaise eau, il la rend bonne eau. Comprends-tu? Il la transforme, cette eau-là. Mais il ne la jette pas, il la transforme. Okay? Un peu comme l'eau qui devient en vin. Oui, un peu, oui, c'est pas dans ce sens-là. Ça fait un miracle. Ouais. Il y a eu un miracle. Ouais. Mais encore, avec le vin, ce qu'il va créer, là, il crée quelque chose. Là, nous, c'est régénérer. Le mot, vraiment, c'est redonner vie à ce qu'il a perdu. C'est que tu vraiment. C'est comme tu as une pomme qui est en décomposition, puis il la remet, pomme, ferme, et bonne, et juteuse, et pleine de vie, puis tout ça, OK? Dans ce sens-là. Donc, il dit, nous régénère, à cause de quoi? Selon sa grande miséricorde. Hein? C'est la base de sa régénération, ou le fait qu'il nous régénère, c'est la miséricorde de Dieu. C'est pas, on ne mérite rien, c'est pas parce qu'on est digne de. Non, il nous a régénérés. C'est une étape du salut. Et il dit qu'il nous a régénérés pour deux choses. Pour une chose, pour une espérance vivante. Donc, il dit qu'il nous a régénérés pour quelque chose qui s'en vient devant nous. Pas pour quelque chose de passé, mais quelque chose... L'espérance, c'est quelque chose de toujours de futur. L'apôtre Paul va dire dans Romains, nous ne pouvons pas espérer ce que nous avons déjà. Si on l'espère, c'est parce que ce n'est pas encore là. Le mot espérance, c'est toujours dans le futur. Okay? Toujours dans le futur. Pour une espérance vivante. Ce n'est pas une espérance morte, ce n'est pas une espérance peut-être qui va arriver. Non, c'est une espérance vivante. Donc, on est régénéré pour quelque chose. OK? Et cette régénération-là, qui nous donne droit à une espérance, elle a été confirmée, c'est ça? Confirmée ou appuyée ou certifiée par la résurrection de Jésus d'entre les morts. La preuve que nous, ce qu'on espère voir arriver, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous a donné une preuve de ça, c'est Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Donc, Jésus-Christ aussi a été régénéré, si je peux le dire, même, parce qu'il est mort à cause de nos péchés. Donc, il a été ramené à la vie, ici. Autant dans son... C'est pas facile à parler pour lui, autant que nous autres, mais il a été régénéré, il est revenu à la vie, il a commencé une nouvelle vie, il est mort, puis il est revenu à la vie, ici. Donc, il dit, la preuve que notre espérance, elle est vivante, elle est quelque chose qui est vrai, c'est que Jésus-Christ l'a vécu. Ce n'est que l'apôtre Paul va dire la même chose dans les Corinthiens, qui a parlé de la résurrection. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, on est encore mort dans nos péchés. Il n'y a pas d'espérance, il n'y a rien à faire avec ça. Mais ici, l'apôtre Paul, il dit, vous êtes régénéré pour une espérance, par la résurrection de Jésus-Christ, pour un héritage qui ne peut se corrompre. C'est ça qu'elle est vivante. Quelque chose qui est vivant ne se corrompt pas. Hein? Quelque chose qui va se corrompre, c'est quelque chose qui n'y a plus de vie dedans. La vie s'éloigne. Quand vous regardez une fleur ou un fruit ou un animal, si elle tentait de se corrompre, la vie s'est tentée d'en sortir tranquillement, s'en va. Finalement, quand la vie est complètement disparue, la plante ou l'animal est toute décomposée. Donc, il dit, l'espérance que vous avez, elle est vivante. C'est un héritage qui elle ne peut pas se corrompre, elle ne peut pas se souiller, elle ne peut pas se flétrir. Elle vous est réservée où? Dans les cieux. C'est ce qu'il parle, c'est pas ici. L'apôtre Pierre ne parlera pas de ce que les chrétiens ont ici. Donc, il ne parlera pas de bénédiction ici. Il va surtout parler d'une bénédiction qui s'en vient, l'espérance qu'on a dans le ciel. OK? À nouveau ciel, nouvelle terre. Pas dans ce contexte-là ici. Il y en a. On peut en prendre d'autres bénédictions ailleurs. Sur la terre, il y en a des bénédictions sur la terre. Mais ce que lui va les encourager, ça, c'est parce que c'est tellement noir ce qu'ils vivent, puis que si on leur promet des bénédictions et tout de suite là, puis qu'ils n'y arrivent pas, qu'est-ce que ça fait? Décourage encore plus. OK? Donc, il dit, même si vous allez jusqu'au bout de la corde et que vous mourrez dans vos prisons, dans la souffrance, vous avez une espérance vivante qui vous attend. Un héritage qui ne peut pas changer, ne peut pas rapetisser, elle ne peut pas grossir, elle ne peut pas changer. Elle est immuable. L'espérance que j'ai, elle est immuable. Personne ne peut l'atteindre, personne ne peut la changer, ni moi, ni les inconvertis, ni Dieu, ni Jésus. Personne ne va changer cette espérance-là qu'il m'a donnée. Et elle va m'être donnée dans les cieux. OK? Dans les cieux. Et là, elle a marqué quoi? À vous qui... Quoi? Par la puissance de Dieu. Ça se trouve être une autre étape dans la vie chrétienne. On a été choisis, on a été régénérés. OK? On a été régénérés pour avoir un héritage qui est immuable, qui est céleste. Ça, c'est le fruit ou le résultat de ma régénération, du fait que, à cause que j'ai été... Là, on recule, hein? Choisi, régénéré, avec un héritage qui s'en vient. Donc, l'héritage me vient à cause que j'ai été régénéré, puis à cause que j'ai été choisi. Et en attendant ça, que cet héritage me soit donné dans le ciel, moi, j'appelle ça l'étape de la protection. Que souvent, on appelle l'étape de la sanctification. Moi, j'appelle ça l'étape de la protection. Il y a une étape pendant que je suis ici que Dieu va me garder, me protéger pour que je jouisse de cet héritage-là qui m'est dû. Donc, pendant que je suis ici sur la terre, je ne suis pas livré à moi-même. OK, je t'ai sauvé, là, je t'ai justifié, maintenant, grouille-toi si tu veux avoir l'héritage que je t'ai donné. Si tu ne grouilles pas, tu vas en avoir juste la moitié. Là, il ne parle pas de ça ici. Là. Parce qu'il dit quoi? Elle ne peut pas se corrompre, elle ne peut pas se flétrir, elle ne peut pas changer cet héritage-là. Elle ne peut pas changer. Il dit quoi? Il dit, vous êtes quoi? En attendant qu'elle arrive, là, parce que ça, elle va arriver quand vous allez dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi pour le salut. Tu vois, là, il parle du salut au futur, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Lui, le mot salut, il vient. On a parlé de notre salut passé avec l'élection. Là, vous avez été régénéré dans le passé. On parle au passé. Et bien, vous êtes gardés, ça c'est au présent. Vous êtes gardés. Et on parle du futur, du salut qui va être révélé. Dans les derniers temps. Il y a souvent, quand elle est dans une personne qui dit tout le temps, tu n'as pas été délivré encore. Tu sais, parce que j'ai raconté des problèmes de Noël. Puis quand je l'ai vu, mais là, elle est morte, ça ne fait pas longtemps. J'ai dit, Madame Nutel, je dis, je suis délivré. Mais je dis, c'est dans le futur. Je dis, parce que tant, elle va peut-être dans ce cas-là. La délivrance totale, on l'a à la mort quand on va voir Jésus. Tu sais, elle ne dit ça pas, ça. Non. Ils ont monté le monde que tu peux avoir de la délivrance si tu priais puis tu demandais. Tu sais. Moi, j'ai rencontré des chrétiens qui croyaient à une sanctification presque parfaite sur la terre. J'ai rencontré des chrétiens dans certains mouvements qui croyaient qu'ils étaient presque capables de vivre sans péché. Fait que si toi, tu parlais que tu avais des combats dans ta vie, encore, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas, puis ils tombaient dessus. Ils pensent mieux que les autres. C'est ça. Mais ben, ils croyaient ça dans leur tête. Donc, mais ici, vous dites, remarquez bien, à vous qui, par la puissance de Dieu, pas par notre puissance, par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi. Donc, la puissance de Dieu se manifeste à travers la foi. Donc, il dit, Dieu vous garde par la foi. Dieu vous a donné la foi. En vous donnant la foi, il vous garde comme cela. La foi ne peut pas douter, c'est contre sa nature. C'est contre sa nature. La foi ne doute pas. La foi, elle ne peut pas douter. La foi, c'est de par sa nature, elle croit. C'est comme ça. C'est comme Dieu ne peut pas aimer parce que sa nature, c'est d'être amour. Il ne peut pas aimer Dieu. Il aime. Il aime les gens. Et la foi, elle, qu'est-ce que c'est? Sa capacité, c'est quoi? C'est de croire. C'est de croire. Donc, il dit, vous êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut qui va être révélé dans les derniers temps. Donc, Pierre, il amène les chrétiens à reculer un petit peu, à dire, assisez-vous un peu, là. Vous êtes énervés, là. Vous en faites, là, vous êtes paniqués, là. Assisez-vous, on va regarder le plan qui est devant nous. Regardez bien le plan de votre vie. Vous avez été choisis, vous avez été régénérés, et vous êtes gardé et vous allez hériter. Ça, c'est le plan de votre vie. C'est le plan de votre vie. Il n'y a personne qui peut bouger ça. Il n'y a personne qui peut changer ça. Il n'y a personne qui peut modifier ça. Le plan de Dieu ne se fait pas modifier par qui que ce soit. Paul le dit autrement, ce qu'il a commencé, il a commencé à l'élection, hein, la préscience, la prédestination. Ce qu'il a commencé, il va le rendre parfait. Pour la fin. Hein? L'apôtre Paul, il dit, je suis persuadé que ce que Dieu a commencé, il va le terminer. Pourquoi il était si persuadé? C'est parce que c'est Dieu qui le faisait. Ce que Dieu a commencé, Dieu va le terminer. Ce que Dieu commence, il finit tout le temps. Mais s'il y avait eu d'interférence humaine, Paul n'aurait pu jamais être persuadé. Je suis presque persuadé. Je suis pas mal persuadé. Je suis presque sûr. Parce que là, et je suis sûr de Dieu, mais je ne suis pas sûr de moi. Je ne suis pas sûr de vous au milieu. Mais il dit, ce que Dieu a commencé, Dieu le termine. Donc, ça veut dire qu'entre les deux, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. Si Dieu en a élu 1 million, combien vont être glorifiés? 1 million. S'il y en a qui se perdent entre les deux, là, on ne comprendrait plus ce que la parole de Dieu est en train de dire. OK? Jésus l'a spécifié comment, lui? Souvenez-vous quand Jésus a dit quelque chose par rapport à ça? Judas, il dit, il est appelé le fils de la perdition. Je n'ai pas perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Acceptez, acceptez, acceptez un. Judas, parce qu'il avait été écrit de lui qu'il serait appelé le fils de la partition. Donc, il n'était pas dans les élus. OK? Il n'est pas du celui-là parce qu'il n'était pas là-dedans. Je l'ai choisi parce qu'il avait un rôle à accomplir, mais il n'a jamais été dans les élus. Parce que les élus disent, je n'ai pas perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Donc, il faut bien comprendre que notre salut est premièrement, malgré qu'on a une implication volontaire, le plan de Dieu, l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a fait les pas. Avant qu'on commence, avant qu'on voit la fin, il a marqué, il a fait ça. Il a tout écrit ça. Donc, c'est bien important pour nous que quand ça va mal, quand on a des doutes, quand c'est difficile, quand il y a des choses qui arrivent, de s'arrêter et de dire, hey, c'est quoi ce qui se passe là? Les doutes qu'on a vont jamais vaincre la foi qu'on a. Jamais. Jamais. La foi qui nous a été donnée va toujours surmonter les doutes. C'est une question de temps. C'est une question de façon. Elle va finir par surmonter les doutes parce qu'elle va passer au travers. Elle ne peut pas lâcher. La foi ne peut pas lâcher. Elle ne peut pas. Ça, ça contre sa nature. Ça, c'est comme ça, ça dit comme un poisson qui ne veut plus être dans l'eau. C'est impossible. Donc, les gens qui disent que moi, je ne crois plus, c'est idiot. Moi, dire ça. C'est comme quelqu'un qui dirait, je t'aime plus. Tu ne peux pas dire ça. L'amour ne peut pas arrêter d'aimer. L'amour ne peut pas arrêter. Si tu aimes quelqu'un, ton amour peut se manifester de différentes façons. Mais tu vas toujours l'aimer. C'est pour ça qu'on a on a une paix intérieure que quand Dieu nous dit, François, je t'aime d'un amour éternel, on sait que c'est vrai. L'amour ne peut pas arrêter d'aimer. On peut arrêter d'aimer nous autres, on peut arrêter d'aimer les gens. Là. Ah oui, ça, c'est pas ça. C'est pas notre affaire, ça. Parce que notre amour à nous, c'est loin d'être un amour parfait. Là. Oui, c'est loin d'être un amour parfait. Mais l'amour, en tant que tel, l'amour de Dieu, n'arrête pas d'aimer. N'arrête pas d'aimer. Donc, je ne peux pas dire, je t'aime, mais je ne t'aime plus. C'est contradictoire. On peut dire, j'ai de la misère à t'aimer. On peut dire, j'ai des difficultés à t'aimer. On peut dire, si on aime, on aime. Donc, on ne peut pas arriver. Puis de dire que l'amour n'aime plus, c'est une contradiction en soi. C'est dire que ma foi ne croit plus, c'est une contradiction aussi. Ma foi, elle croit, mais il vient des doutes à cause du péché, à cause de mauvaise compréhension de certaines vérités dans les Écritures. Mais la foi que Dieu m'a donnée, gardée par cette foi-là, elle va surmonter les difficultés, elle va m'emmener à voir des choses, et là, elle va m'emmener, on va continuer. Cette foi-là va me donner la victoire. Et cette foi-là, on sait que la foi, c'est un don de Dieu. Dieu nous a donné un don, que la foi. Donc, il dit, bien, François, je veux que tu persévères jusqu'à la fin, donc je vais donner la foi, et la foi va te faire persévérer jusqu'à la fin. Donc, c'est le doute vient de la chair, il vient pas de la foi, il vient de la chair. Il vient pas de la foi. Non. La foi ne doute pas, ben, pas. C'est pas logique. Donc, on va arrêter là, puis on va continuer la semaine prochaine d'autres parties. Donc, on a vu l'élection, on a vu la régénération, on a vu la protection, en attendant que l'héritage arrive et que les derniers jours s'accomplissent finalement. Et la semaine prochaine, on va voir une autre étape qu'on appelle la glorification. La glorification. OK.